Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture accueil. Bibliothèque. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-gorge sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtre, ni censure, ni net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Voilà, bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM, c'est Random, on est ensemble jusque 20h, c'est la 24e. Et on va faire un petit tour de la table pour se présenter. Donc aujourd'hui nous avons deux invités, donc bonsoir Alexandre. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Thomas. Bonsoir Random. Et bonsoir DB. Bonsoir, et nous avons l'infatigable Man Martigan à la technique. Voilà, tout à fait. Donc on va faire un petit tour sur notre petit plan, bien aimé. Donc on va partir sur une première partie, toujours actualité. On a coupé en fait les actualités en plusieurs sections. Donc il y aura une première partie d'actualité locale. Ensuite on partira un petit peu sur les actualités du milieu hacker. Ensuite on passera sur la petite rubrique censure, filtrage internet et neutralité des réseaux. Ensuite viendra votre culture, c'est la nôtre, n'ayez pas peur, faites-nous confiance, et enfin l'actualité du logiciel libre. Ensuite, notre petit dossier donc sur Silk. Ouais, tout à fait, sur Silk. Voilà, et après viendra le temps de l'agenda, tout ça entrecoupé de petites pauses musicales, et voilà. Et avec bien entendu le grand plaisir d'entendre nos nouveaux jingles, parce qu'on commence une nouvelle... Une nouvelle saison quand même presque. Oui, voilà. L'émission Random numéro 1, c'était quand même le 25 octobre 2009. On est bientôt en octobre 2010. Et voilà, ça fait presque un an, on est super contents. On va commencer par l'actu, je pense. Hein, et par l'actualité locale. Et dans l'actualité locale, on doit vous présenter donc une toute nouvelle émission qui s'appelle donc qui me fait des signes et tout, comme les pingouins de Madagascar. Fais coucou. Et donc ça s'appelle l'écho des gnous, l'émission qui raconte la vie des papous ou des hindous. Et c'est l'émission de l'association Ch'tinux, groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres sur la métropole lilloise. On va la laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Alexandre, je suis donc le responsable de l'association et donc maintenant de l'émission qui va être diffusée pour la première fois dimanche prochain en direct à 19h, en alternance donc avec Random. Donc nous, on va vous présenter en fait l'actualité informatique et l'actualité des logiciels libres, mais de manière à être le plus accessible possible au plus grand nombre, là où Random s'occupe des barbus hackers anarchistes pédonazis. Nous, on va parler à monsieur tout le monde. Est-ce qu'il y a une connerie déjà? Quoi? T'as parlé de barbus anarchistes pédonazis, je me sens pas visé. Du tout. Donc on animera cette émission avec Thomas. Voilà. Se présenter aussi. Ouais, bonjour Thomas, je fais partie aussi de l'association Ch'tinux. Et le but de l'émission sera bien, comme dit Alexandre, de présenter les logiciels libres au travers d'exemples, d'actualités et d'événements qui vont se passer à titre local dans la région et au niveau national. Ah, t'as tout dit? Oui, qu'il y aura de la musique aussi. Et il y aura de la musique libre. Que vous pourriez copier, télécharger librement, légalement. Ouais, comme exactement ce que fait Rando depuis un an, quoi. Enfin... Oui, mais on va le faire en mieux. Ah ouais, d'accord, mieux. C'est ça, c'est bien. En différent. En différent. Non, mieux. C'était quoi le slogan, là, déjà, que vous vouliez faire sur Random, là? Dites-le un peu à l'antenne, là, qu'on rigole. Des codes et gnous, l'émission préférée des auditeurs de Random. Ouais. On verra ça. Et En même temps, n'ayant pas encore d'auditeurs, c'est un peu normal, je veux dire. Ouais, tout à fait, ouais. Qu'ils aillent ouais. Piocher à droite à gauche. Tout à fait, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ils viennent propagander et tout. Ouais, donc logiciel libre, mais donc de manière un peu moins technique, technicard que... Voilà, on va vous expliquer en quoi les logiciels libres, c'est pas qu'un problème de technicien, c'est un problème qui vous regarde aussi. La maîtrise de votre informatique, la maîtrise des outils, en fait, qui manipulent une partie de votre vie, de votre vie privée, son fonctionnement vous regarde. Et même si vous êtes pas informaticien, il est toujours bon d'avoir la maîtrise et de pouvoir confier éventuellement à des informaticiens compétents la maîtrise de votre informatique plutôt qu'acheter des boîtes noires sous contrôle de multinationales américaines. Pas qu'américaines, elles peuvent, être, françaises aussi, elles peuvent être françaises aussi. Et donc ce sera quand? Ce sera donc chaque dimanche sur deux en alternance avec Random. Donc première émission, je l'ai déjà dit, le 2, donc la suivante sera le 15. D'accord, donc c'est le 2, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Tout à fait. Donc en fait, à partir de la semaine prochaine, les semaines où il n'y a pas Random, c'est pas grave. Il y aura donc l'écho des gnous, l'émission préférée des papous. C'est ça. Tout à fait, ouais. Et puis également, bah voilà, donc musique libre, logiciel libre, et que dire d'autre ? Electronique libre aussi, parce qu'on est aussi sur un projet qui vient d'être accepté, donc on va avoir un permanent pendant 10 mois, donc qui va développer des activités d'électronique libre, d'ateliers do it yourself. Hein, faites votre électronique libre vous-même, notamment pour faire la musique, ça va être très centré là-dessus. Donc pendant les premières émissions, on passera une interview, le temps d'une interview pour présenter le projet, puis on fera des points réguliers où Thierry viendra présenter l'avancement de son projet. D'accord, donc en fait vous avez déjà un petit peu, vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche de ce que vous allez faire dimanche prochain. Dimanche prochain, on commencera pour une première partie à vous présenter l'actualité informatique, de manière beaucoup moins ardue que nos amis de Random. On vous passera de la musique, donc ce sera un tiers de news, un tiers de musique qui sera réparti tout au long de l'émission. Et un sujet principal, cette fois-ci, on vous expliquera, mais c'est quoi un logiciel libre? D'accord, parce que genre, on l'a pas expliqué depuis un an, quoi. Il y a personne qui a dû comprendre. Il dit des trucs, on comprend pas. Est-ce que vous avez expliqué ce que c'était qu'un logiciel? Non, je crois pas. Bah voilà. Genre, les gens, tu crois qu'ils écoutent et qu'ils savent pas ce que c'est qu'un logiciel? Non, mais c'est bien. Mais ils emploient le mot, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que... Eh ben, on verra ça, on suivra comme ça. Ça fait super plaisir, en fait, de voir en tout cas que les copains de Chtinux, hypocrite. Moi, hypocrite. C'est excellent quand même, c'est bien, je viens à la radio me faire traiter par mes propres amis, regarde-moi ça les traîtres. Par tes invités. Non, par mes invités, ouais, tout à fait. Et bah voilà, donc en fait, c'est bien, on a une émission en alternance avec Random, un truc fait par des copains pour des copains, et c'est cool, voilà, et ben on vous remercie énormément, et puis on vous écoutera à partir de dimanche prochain. Tout sera dispo sur internet, j'imagine. Pour les premiers temps, on va mettre l'émission en ligne sur le site et très rapidement, on va essayer de mettre en place un podcast. D'accord. Si quelqu'un connaît un module Drupal pour utiliser des podcasts, ça serait sympa de nous. Écrivez-nous à info@chtinux.org. Oui, tout à fait. Si un geek nous écoute. Donc www.chtinux.org. Voilà, c'est l'adresse de l'association. Donc voilà. Puis autant qu'on y est, à parler de Chtinux, prochains événements. Eh bien la permanence de mardi, hein, si vous voulez venir parler d'informatique libre, parler de logiciels libres, vous renseigner ou tout simplement venir nous voir, eh bien vous êtes les bienvenus à partir de 20h30 au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille. Donc c'est entre la rue du Molinel et la rue de Béthune. On sera un plaisir de vous accueillir. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, bon vent à vous. Bon vent à toi aussi. Oui, c'est un vent aléatoire qui souffle sur les ondes de Radio Campus et qui continuera à souffler pour cette nouvelle saison. Et on en est super contents. Merci à vous. Bah, c'est nous qui vous remercions. Maintenant, vous pouvez regarder comment font les vrais pendant une heure. Mais là, c'est cool. On va continuer sur les autres nouvelles parce que, bon, Chtinux, on en a parlé 10 minutes, là, ça va bien. Un peu, non? Super. C'est super, hein, quand même, c'est bien. Des nouvelles du Localhost et du collectif des hauts lieux. Parce que ça avance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des articles dans la presse à la fin de la semaine dernière, donc ça fait une dizaine de jours maintenant, Concernant un petit peu l'avancée du collectif des hauts lieux, il y a eu des commentaires assez intéressants. C'est Noreclair qui a publié ça. Noreclair qui continue à nous suivre, alors qu'on fout rien, mais eux ils nous suivent, c'est cool. Et avec donc Frédéric Lambin, conseiller municipal MoDem, président de l'île Grand Palais, et surtout lui il s'occupe de la délégation Nouvelles Technologies. Au niveau de la mairie de Lille et de LCMU, il me semble. Je ne sais plus trop s'il est élu communautaire. LMCU. Frédéric Lambin. C'est une bonne question. Mais bon, voilà. Et donc Frédéric Lambin qui annonce quand même que ce serait bien d'avoir une réponse au niveau de la mairie concernant le local host d'ici fin janvier. Ça pourrait être cool, on aurait une réponse de la mairie pour Noël, ça serait bien. Et puis Hakim Moural, donc pareil, élu communautaire... président du conseil de quartier du quartier Bois Blanc, donc le truc où il y a Euratech, vous savez, l'espèce de gros bidule où il y a Microsoft. Et ben, donc voilà, et donc en fait, il y a des discussions qui sont en cours avec la mairie, ça s'annonce très très très bien. Il y a une piste qui est très funky et qui se trouve dans le faubourg de Béthune, on vous en dit pas plus pour l'instant, mais voilà, il y a de l'actu, il y a moyen de choper un local super rapidement pour monter un hackerspace à Lille. Et franchement, c'est en discussion avec la mairie. On attend juste leur OK, mais c'est vraiment faisable. Donc ça peut être cool d'avoir un local pérenne mis à disposition par la mairie de Lille. Ça serait quand même pas rien pour pouvoir monter un truc qui tient le coup. Et puis au niveau du collectif des hauts lieux, Zara a contacté le collectif des hauts lieux parce qu'en fait Zara a déclaré dans la presse, et là c'est énorme quand même, c'est donc Jean-Jacques Salin, directeur général de Zara, qu'on avait rencontré deux fois au mois de juin. Au moment de la fermeture des hauts lieux, qui nous recontacte parce qu'il veut nous, déjà premièrement qu'il brise le silence de Zara dans la presse. Alors il l'a jamais brisé au moment du rush médiatique, il le brise maintenant pour expliquer qu'en fait son projet de crèche, il veut vraiment le faire et que s'il y a moyen de faire sa crèche, et ben il inclura le collectif des hauts lieux dans la boucle et donc dans l'avenir des locaux, ce qui est une excellente chose. On a une rencontre de prévue avec le directeur général de Zara, une troisième rencontre de prévue avec le directeur de Zara, à Paris-Bercy au début du mois d'octobre. On vous en dira plus dans les prochaines éditions de Random, éventuellement dans l'écho des Gnous, l'émission préférée de Big Bilou. Non, il fallait. Il fallait celle-là. J'en ai d'autres, hein. Enfin, on en a d'autres, vous inquiétez pas. Et donc, voilà, ça fait un quart d'heure qu'on parle, on passe un peu de musique ou pas du tout? On peut peut-être traiter l'actualité du milieu hacker et puis une pause musicale. D'accord. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. On voudrait remercier pour ces superbes jingles les DGSC Girls qui nous ont permis d'enregistrer ces superbes trucs, et on remercie encore Martigan et la technique qui nous a fait de superbes créas musicales durant toute cette semaine. Et là, l'écho des Gnous est bluffé par la création et au sonore de Martigan. Concernant l'actualité du milieu hacker, donc, on vous avait parlé de la sortie du 67e numéro du mythique magazine électronique FRAC. Donc en fait, il devait sortir. Il y avait une annonce au printemps, concernant une possible sortie au mois de juillet, qui devait correspondre avec une éclipse de soleil ou une éclipse de lune, une éclipse de solaire, il me semble. Et finalement, il est jamais sorti en juillet. Ils avaient annoncé qu'il le sortirait en août. Il est jamais sorti en août. Là, on arrive fin septembre, et en fait, dans la nuit du 20 au 21 septembre, il y a eu une petite mise à jour du message d'accueil du site web de ce magazine électronique, donc www.frac.org. Et ils annoncent que le nouveau FRAC sortira bientôt et que bientôt il y aura un nouveau FRAC 67 et on pourra rigoler tout ça. En passant, le projet FRAC FR continue aussi, ça se bouge un petit peu et je pense que on sera OP pour sortir une traduction française complète et intégrale et fidèle de ce nouveau numéro de FRAC dont on se réjouit de la sortie prochaine. Là, cette fois-ci, on passe de la musique. Petite pause musicale. Vous êtes sur Radio Campus, 106.6 FM. On se retrouve tout de suite après. Je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Tu es dans la matrice. Mes ordres à la lettre. Tu es dans la matrice. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Random, le magazine de la contre-culture hacker, du bidouillage, des libertés numériques et de la société de l'information. un dimanche sur deux sur Radio Campus 106,6 FM. Regarde par toi-même. Quoi, tout de suite? Oui, tout de suite. Voilà, donc vous venez de couler là. Ça c'est super ça. Donc vous venez d'entendre It Rabbit, Wave of Peace. Et nous allons reprendre tout de suite avec Censure, Filtre à l'Internet et Neutralité des réseaux. Ouais, alors ben voilà. T'as pas un petit jingle pour ce truc là? Bah non, sinon je l'aurais mis. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, désolé, excuse-moi. Donc Censure, Filtrage d'Internet et Neutralité des réseaux. Bon ben voilà, la LOPCI, hein, voilà. Donc ben voilà, la LOPCI a été votée au Sénat. Youpi, trop bien. Donc comme elle a été amendée, elle va retourner en Assemblée nationale pour être débattue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ils ont donc viré, comme on l'avait dit, je crois, il y a deux semaines, ils ont viré l'intervention du juge dans l'ajout de sites internet à la liste noire gouvernementale de censure d'internet français. Donc, autrement dit, l'Office central de censure d'Internet en France va pouvoir agir comme il veut, quand il veut, et selon ses modalités, comme il veut, a priori. Donc, en fait, Reporters sans frontières a publié un communiqué pour dire que, bah voilà, quand même, c'est abusé, quand même, de censurer Internet dans un pays soi-disant démocratique. Surtout sur des non-arguments comme celui de la prétendue pédopornographie sur Internet, alors que c'est une pratique qui est même pas marginale dans les stats, ça correspond à rien du tout au niveau statistique. Mais non, on fait quand même style, on a peur des pédo-nazis, terroristes barbus, et éventuellement musulmans. Est-ce qu'on peut être nazi, pédo et musulman en même temps ? Ça doit être possible. Ça doit être possible, ouais, selon le gouvernement. Alors pour la faible, on fait quand même une loi pour censurer Internet avec la faible probabilité quand même qu'il y a. C'est quand même génial, c'est contre ces gens-là. Je t'arrête, Maxime, ça marche très très bien en Chine. Tout à fait, ça marche très très bien en Chine, pourquoi pas en France. Donc voilà, donc RSF du coup, Reporters sans frontières, c'est pas une petite orga, ça passe un petit peu dans la presse nationale, Le Monde en a parlé, Le Figaro aussi. Les Inroc ont publié un truc pour dire voilà, pour parler des dangers d'infiltrage sans contrôle judiciaire. Les avocats du Val d'Oise. Voilà, un comité d'avocats du Val d'Oise a publié un truc en disant qu'ils sont inquiets des, je cite, « nombreuses atteintes à la vie privée », fin de citation, de la loi LOPCI 2. Quoi, il y a des atteintes à la vie privée dans la loi LOPCI 2 ? Même pas. Même pas, hein, jamais, même pas en rêve. Donc en fait, ça a été voté au Sénat, ça a été amendé, le texte qui est arrivé au Sénat a été amendé, et c'est le texte amendé qui a été voté au Sénat. Donc, il retourne, navette parlementaire, il retourne à l'Assemblée nationale, et il sera donc discuté devant l'Assemblée nationale à partir de mercredi, donc mercredi 29 septembre, mercredi prochain, quoi. On vous tient au courant de tout ça, mais absolument, il faut se tenir au courant de la loi LOPCI, c'est vraiment une loi de merde. Il y a énormément de monde qui est touché, et pas que les informaticiens, parce que l'informatique c'est deux articles, je crois. Internet c'est deux articles, c'est les articles 2 et 4, il me semble. Il y a l'article 4 sûr, mais voilà, c'est deux articles dans la loi. Ça parle de censure d'Internet, mais bon, il y a quand même tout le reste de la loi. N'hésitez pas à casser les couilles à vos députés ou autre chose si c'est une femme, surtout si c'est une députée UMP, martelez que vous êtes contre ce projet de loi, appelez-les, passez à leur permanence parlementaire ouais, et montrez qu'il y a une position populaire à ce projet. Ou bien on peut s'organiser en manif, tout ça, et en grève, tout ça, c'est une autre solution aussi, hein, mais pourquoi pas. Votre culture, c'est la nôtre. Oui. Celui-là, t'en as un. Non. Non, non plus. Désolé. Oh là, c'est l'émission super organisée, donc on va arrêter de parler d'Alopsy, on va parler un petit peu d'Adopi, pour changer. Belle transition. Alors, Adopi, donc, le Conseil d'État a rejeté le recours en référé suspension déposé par le fournisseur d'accès Internet associatif French Data Network. Ça concernait l'un des décrets d'application de la loi Adopi. Ça a été refusé. Il faut attendre le jugement de fond. Et puis, on n'a plus qu'à croiser les doigts. En gros, ça veut dire tout bêtement que ce que le Conseil d'État a dit il y a un an ce que le Conseil constitutionnel a dit en censurant la loi Adopi 1 et en obligeant le gouvernement à sortir une loi Adopi 2, le Conseil d'État n'a pas le courage politique, n'a pas ce même courage politique et refuse tout bêtement de statuer sur un recours en référé suspension. Alors qu'il y a quand même, sans vouloir en fait discuter du fond, c'est-à-dire qu'ils refusent juste de regarder, voilà, ils veulent juste pas le faire en suspension, donc la Adopi continue sa route et elle a deux décrets d'application qui sont visés par un recours de FDN. Il y a une page très intéressante sur que faire si vous êtes chopé par un. Ouais, Free a une page extrêmement intéressante sur que faire si vous chopez un mail de l'Adopi. Et sur ce même truc, j'allais en parler après en fait, mais pourquoi pas, il y a le numéro de la plateforme d'appel de la loi Adopi, enfin de la Haute Autorité pour la protection des droits sur Internet. Il y a Numérama qui a appelé bêtement ce numéro, donc la hotline Adopi, Numérama a appelé le comme ça, et puis ils ont un petit peu titillé, un peu comme ça, puis ils ont fait un article et ils ont publié l'enregistrement de leur conversation téléphonique. Bonjour et bienvenue à l'Adopi. haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Magnifique. C'est génial quand même la hotline de la Hadopi, donc voilà, la Hadopi a une hotline, vous pouvez les appeler, ça sera rigolo je pense. Ils n'ont pas de bonne réponse, il faut savoir qu'ils n'ont aucune bonne réponse à apporter à sa hotline. Bah non, parce que sur la labellisation des logiciels de sécurité, etc., ils ne sont pas labellisés, il n'y a pas de logiciel de sécurité, donc il n'y a aucun moyen, donc ils n'ont rien à dire à la Hadopi. Sur le fait que c'est une loi injuste, etc., ils vont dire qu'ils font juste leur boulot. Et ce qui est vrai, à l'outline, ils font juste leur boulot. Je ne sais même pas si c'est un truc interne, hein, qui n'est pas un truc externalisé, je ne sais où. Oui, parce que, enfin, je ne sais pas, moi je l'ai écouté en entier. La communication, c'est vraiment, déjà la personne ne parle pas très bien français, je trouve que ça fait un peu dommage, ça gâche un petit peu. Et puis quand elle conseille un contrôle parental pour sécuriser le réseau d'une entreprise, ça... Ouais, ça fait mauvais genre. Ouais, voilà. C'est un peu n'importe quoi. Non seulement tu disais qu'ils ont rien à... ils disent rien, mais en plus ils disent des conneries, donc... Ah oui, c'est dommage, quoi. Il y a une deuxième anecdote avec Hadopi, c'est que Hadopi s'est fait remettre à peu près déjà 200 IP par fournisseur d'accès. Et il y a un fournisseur d'accès qui à l'origine était gratuit, je ne mets pas son nom. Vas-y, si. En banque free, aurait envoyé ces 200 IP sous format papier. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui dit dans les textes de loi qu'ils doivent être mis sous format numérique. Donc là, sûrement les personnes de la hotline de Hadopi vont devoir se retaper les listes à la main. Quoi, Free ferait-il de la... Xavier Niel ferait-il de la résistance passive sur la loi Hadopi? Pourquoi faire? Pourquoi faire, pourquoi c'est faire, vrai. Pourquoi faire voilà. On ne sait pas que c'est lui, pour l'instant. On ne sait pas que c'est lui, on ne sait pas que c'est Xavier Niel. Ouais, bref. Voilà, donc Hadopi, c'est cool, ça continue. Alors, un autre truc intéressant, on en avait parlé un petit peu dans Random, mais on l'avait un petit peu zappé, parce qu'il y avait Hadopi, il y avait l'Opsi, donc voilà. C'est le rapport Gallo. Alors Gallo, qu'est-ce que c'est? Enfin, qui c'est Gallo? C'est une députée UMP française, bien de chez nous, qui a pondu un rapport parlementaire sur Internet, les pirates machin, les technopirates méchants qui piratent de la musique et qui ne payent pas la pension de retraite de Johnny Hallyday. Donc elle a pondu un rapport pour expliquer qu'il faudrait la riposte graduée, donc une loi Hadopi au niveau européen, et également qu'il faudrait voter le rapport secret ACTA qui sont en train de nous négocier dans le dos du peuple, hein, parce que c'est des négociations secrètes au niveau international. Et donc le rapport Gallo a été voté par le Parlement européen, donc c'était mardi 22 septembre. À 328 voix pour, 245 contre et 81 abstentions. Donc sur fond de magouille, de magouille et de lobbyisme, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais surtout du côté qu'on supporte pas, pétitions d'artistes complètement bidonnées. Les producteurs porno hongrois notamment. Notamment, ouais, des producteurs hongrois, des... Oui, il y en a un qui était mort aussi, un signataire de la truc qui est mort depuis 2007. C'est dire le soutien au projet. C'est dire le soutien au projet, quoi. Même dans sa tombe, il soutient encore une diversification des lois sur la propriété intellectuelle. Le rapport Gallo a été voté. Donc, il préconise le principe de riposte graduée, ce qui veut dire ce qui ouvre la voie à une possible Hadopi européenne. C'est pas génial. Et ce qui ouvre également la voie une acceptation, à un vote du traité ACTA au niveau européen, ce qui serait vraiment, vraiment pas bien. Et sinon, pendant ce temps-là, Wikipédia France passe la barre symbolique du million d'articles. Quelle transition. Juste pour dire, en fait, votre culture, c'est la nôtre. Il y a une culture qui est pas la nôtre, il y a une culture qui est la nôtre. Wikipédia. L'encyclopédie collaborative et participative en ligne. Elle vient de passer la barre symbolique du million d'articles pour la version française de Wikipédia, ce qui est pas rien. Donc Wikipédia fait un communiqué qui a été largement repris dans la presse. Wikipédia anglais, c'est le cinquième site le plus visité au monde. C'est une immense encyclopédie. La version anglaise contient 3,4 millions d'articles. L'édition allemande, 1,1 million. L'édition française vient de passer la barre du million. Et puis les prochains à passer, ça sera les espagnols. Donc voilà, soutenez Wikipédia. C'est pas l'espagnol, parce que justement, je crois qu'il y a une sous-représentation de l'espagnol par rapport aux autres langues. Bah, normalement, l'espagnol devrait passer devant le français. En théorie, mais je crois que l'espagnol est très très mal. Faudrait que tu vérifies dans Wikipédia. Ouais, mais je crois que l'espagnol est largement sous-représenté par rapport à, potentiel de. Ouais, bah oui, c'est censé être. Et je crois qu'ils sont même, ils sont pas derrière le français. Ils sont encore. Je crois qu'ils sont derrière le. Non, ils sont pas derrière le polonais. Ouais, il me semble que les prochains à passer c'était les espagnols. Il me semble avoir lu ça. Mais... Nous allons vérifier. Nous vérifierons. Bah, petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Si vous avez survécu au discours de DB, c'est que vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Vous l'aurez compris, maintenant c'est venu l'heure de notre rubrique « N'ayez pas peur, faites-nous confiance ». Et DB, je vais te laisser annoncer la petite piste qu'on vient de passer, qu'on n'a pas passée en entier en fait, parce qu'elle fait... Parce que j'ai merdé l'enregistrement du CD en fait. Voilà, donc, plus prosaïquement. C'était donc Neorin, Nintendo Guilty Generation, donc un truc, voilà, Neorin, donc un artiste dont on avait déjà passé une chanson, il me semble, c'était le remix de Nine Inch Nails, Do It Yourself. Et donc là, une chanson qui s'appelle Nintendo Guilty Generation, donc ça fait penser à Atari Teenage Riot, bien entendu, le titre de la chanson, et puis ça fait également penser au titre de l'album Music for the Guilty Generation, deuxième et excellent album de Prodigy. Pour celles et ceux qui se souviennent un petit peu du son qu'on faisait dans les années 90. On passe donc à la rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Alors, bon, c'est une petite rubrique en fait qu'on met un petit peu à cheval entre les actus, etc. Faut pas nous appeler en dehors des plages musicales, s'il vous plaît. Et donc, N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Un flic balance sur le stick. Donc, le stick, qu'est-ce que c'est ? C'est le système de traitement des infractions constatées. C'est un fichier policier dans lequel on entre si on est témoin, victime ou suspect d'une infraction quelconque. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Donc c'est un immense fichier policier qui contient tout et n'importe quoi, dont des informations erronées qui sont bien entendu reprises pour vérité, pour parole d'évangile quand vous arrivez devant la police pour une question quelle qu'elle soit. En octobre 2008, le commandant Philippe Pichon fait fuiter les fiches de police de Johnny Hallyday et de Jamel Debbouze sur Bakchiche. Pourquoi ? C'était pour expliquer que voilà, il y a les flics qui ont accès à un système de traitement un gros fichier policier et qui font n'importe quoi avec les infos qui sont dedans. Premièrement, les informations sont pas forcément vraies, sont pas forcément vérifiées, et pourtant on les met dedans et on s'en sert. Deuxièmement, il y a des flics qui vendent les infos. C'est comme ça qu'on fait fuiter les infos. C'est pas rare qu'il y ait des employeurs qui demandent en fait à leurs copains flics ou à leurs copines flics d'aller regarder. Il y a cette personne-là, j'ai son CV, je te file son nom, son prénom et tu m'en gardes sa fiche stick. Hop, et pour 50 voire 100 euros, entre 50 et 100 euros, on peut avoir accès à des renseignements policiers sur une personne. Donc suite à ça, le commandant Pichon a été mis à pied, tout ça, et puis il y a eu un jugement en sa faveur qui a fait qu'il a été réintégré, à son grade et à son poste. C'est chez les Inrock, le site web des Inrock qui en avait parlé, donc Philippe Pichon. Et en titrant Philippe Pichon flic républicain ou ennemi de l'intérieur, parce que forcément voilà, est-ce que c'est un traître à sa propre cause parce qu'il refuse ce système de dictature policière, ou est-ce que c'est pas simplement quelqu'un qui se pose des bonnes questions sur la démocratie. Juste une petite parenthèse, tu dis qu'il a été réintégré à son poste, à son grade, c'est vrai, mais il a été muté à Pétaouchnock dans un endroit qui ne l'intéressait pas du tout, et maintenant en gros il est dans un placard. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, mais voilà. C'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence sur sa carrière, mais il est toujours en procédure, il me semble. Et il a sorti donc un bouquin. Il est toujours en procédure contre le ministère de l'Intérieur et il a sorti un bouquin où il explique sa démarche, ce qu'il a voulu faire en balançant les fiches de police de deux personnalités du showbiz, et puis les conséquences pour sa pomme, quoi. Rapidement, une petite news sur les RFID, sur les enfants. Oui, en fait, c'est une crèche qui va expérimenter, en fait, pour le compte d'une société d'assurance, des RFID sur les enfants. Alors, il y a une petite puce RFID qui est glissée dans un de leurs vêtements. Et cette étude a pour but, en fait, de voir si on pourrait pas réduire un petit peu le personnel des crèches, si on pourrait pas les remplacer tout simplement par une cage virtuelle. Alors, ça a fait bondir pas mal de gens, notamment, et surtout, La présidente en fait de l'Association nationale de psychologie de la petite enfance, qui, je cite, dit que l'idée est tout simplement effrayante. Elle dit que enfermer les enfants dans une cage virtuelle, c'est créer des conditions de méfiance et d'angoisse, qui n'existent pas. Et elle dit que ça déresponsabilise en coupant les liens avec les adultes à l'écoute. Et qui sont formés pour éduquer en fait. Donc ça fait frémir associations de psychologie et associations aussi de. Associations. Directrice du syndicat CGT des auxiliaires de puériculture en fait. Donc voilà, c'est cool, et c'est quand même dans un objectif qui est assez rigolo. Ouais. C'est vraiment celui de casser du personnel. Et là, c'est dit clairement, quoi. Voilà. Et pour de la petite enfance, enfin, je veux dire, le truc où il y a vraiment besoin d'un contact humain, etc., on va utiliser des puces de flicage. Enfin, les RFID, on va rappeler, hein, c'est donc Radio Frequency Identification, c'est les technologies donc, qui servent à faire de l'identification de tout et n'importe quoi par onde radio. Alors, ça peut être des objets, mais ça peut être aussi du bétail. C'est une technologie qui est utilisée pour marquer du bétail. Est-ce qu'on a vraiment envie de ce genre de techno à utiliser déjà sur nous, êtres humains, individus, citoyens et citoyennes libres, et a fortiori sur nos enfants, quoi. Voilà, donc c'est les trucs qui arrivent en France. Et c'est hallucinant quand même de voir que c'est quand même une police d'assurance qui gère ça, quoi. Enfin, qui ouais, demande c'est, ça. C'est une étude, en fait, là, c'est une étude. Et les parents et aussi les personnels de la crèche reçoivent un SMS dès que l'enfant quitte la crèche. C'est excellent! Là, surtout qu'on sait que dans les hôpitaux, les téléphones portables sont limite interdits. Donc il faut que ceux qui sont dans l'hôpital peuvent pas recevoir les SMS déjà. Non, on parle des crèches là. Les crèches, hein. Bah, ouais. Ouais, mais c'était pas les. Y avait pas aussi une question de maternité ou quelque chose comme ça? Non, là c'est juste. Il y a une crèche qui fait une étude en fait. Ouais. Mais t'as raison là-dessus, y a pas d'étude. On peut continuer après. Oui, ouais. Il y a aucune zéro étude sérieuse sur la toxicité des RFID. Okay. Alors si tu mets des puces à ondes radio sur tes enfants, est-ce que ça pose pas un problème? Ouais, est-ce que ça crée pas non plus un précédent? La puce devrait être passive, c'est les détecteurs qui sont actifs, mais de toute façon, une simple feuille d'aluminium et la puce est inactive. Donc, Bah oui, mais bon, enfin, oui, bon, c'est vrai que tu as peut-être raison là-dessus. On va quitter un petit peu l'actu sur l'actualité du logiciel libre, juste pour parler en fait de Mageia. Qu'est-ce que c'est que Mageia? C'est le fork communautaire de Mandriva. Donc Mandriva, c'est une distribution GNU Linux. Ça fait sourire nos amis GNUistes. C'est une distribution Linux donc française, il me semble. Mandriva, c'est français. Hein. Enfin, ouais, d'origine française. C'est d'origine française. Il y a eu des rushs. De Mandrake, de Connectiva. Donc Connectiva, c'était. Brésilien, donc c'est franco-brésilien, mais c'est toujours, enfin c'est français, c'était rapatrié. Hein. Ouais, mais les Brésiliens, ils ont un président d'extrême gauche, non? Oh, et de gauche, hein. Lula. Regarde le dessous des cartes, si t'as sur Arte plus 7, tu verras que sa politique n'était pas d'extrême gauche. Et il dit qu'il voit pas le rapport. Et alors celle-là, ça fait la troisième fois que je me la prends ce week-end, j'en ai marre. Il dit qu'il a plus de genoux. Et donc Mageia, donc en gros, Mandriva va pas super bien au niveau économique. C'est une entreprise donc qui soutient, qui développe cette distribution Linux Mandriva. Et elle va pas super bien. Et du coup, en gros, la communauté des utilisateurs et utilisatrices de Mandriva a décidé qu'elle allait prendre en main le futur de la distribution Linux. Au lieu d'utiliser Debian. Oui, au lieu d'utiliser ou OpenBSD. Enfin. Ou Arch. Arch, c'est bien. Oh, non, c'est très bien. Cultivons la diversité. Cultivons la diversité, ouais, surtout celle d'OpenBSD. Et donc, en fait, il y a eu un fort communautaire de Mandriva pour pérenniser, en fait, pour s'assurer de la pérennité, parce qu'on a un peu peur. C'est la crise, hein, madame. Hein, et puis voilà. Et puis Mandriva, il licencie à tour de bras ces derniers temps. Alors du coup. Un fork communautaire de Mandriva. On vous invite en fait à suivre un petit peu donc mageia.com. Mageia.org. .org. M-A-G-E-I-A. Et vous pouvez envoyer des dons, tout ça, pour aider à monter la communauté. Ou bien vous pouvez. Je vous rappelle aussi que les pré-orders pour OpenBSD, donc les précommandes pour OpenBSD 4.8 sont sorties. Publicité déguisée. Ouais, tout à fait, ouais. Oh, c'est de l'associatif. Attention, tu empiètes sur ton dossier. Ouais, j'empiète sur. Ah oui, c'est vrai, merde. Putain, il me reste plus que 5 minutes pour mon dossier, ça va être bien. Le pire, c'est que j'avais fait un vrai truc, j'avais préparé un truc et tout. Vas-y, lis. C'est toujours comme ça. Bon, donc en fait, voilà. Alors, mon dossier qui va être court, du coup. Est-ce que... Ouais, non, on n'a pas un jingle sur les dossiers non plus. Bon, faut en faire un. Je vais donc vous parler, en fait, de Silk. Qu'est-ce que c'est que Silk? Ça veut dire Secure Internet Live Conferencing. Conférence en live, conférence en direct sur Internet et sécurisée. C'est un système, donc c'est un protocole réseau de discussion en temps réel. Sur le fond du truc, c'est très proche d'IRC. Sauf que y a l'utilisation massive de technologies de cryptographie forte. on va en parler un petit peu. Silk, en fait, c'est le truc qu'on utilise depuis 2 ans maintenant, 3 ans maintenant, chez Dégénérescence. On salue au passage les gens qui nous écoutent et qui sont sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org et dont les commentaires sont toujours appréciés. Alors, au niveau du... Bon, qu'est-ce que c'est exactement? Bah voilà, c'est un système de discussion en temps réel. C'est un truc en fait qui a été créé, qui a été conçu à l'origine par Pekka Riikonen, un Scandinave, de 1996 à 1999 et qui a été présenté au public en l'an 2000. À l'époque, sous la forme d'un logiciel client et d'un logiciel serveur. Les spécifications du protocole, elles ont été publiées, elles ont été proposées à l'IETF, donc Internet Engineering Task Force, il me semble, un truc comme ça. Et donc c'est un organisme de normalisation technologique pour tout ce qui est des technos qui ont un trait au réseau informatique et à Internet en particulier. Donc ça, c'était en 2004. Mais la publication a été refusée par l'IETF finalement. Et en fait, Silk n'est donc pas un protocole agréé par l'IETF. Par contre, l'IANA a quand même attribué au protocole Silk l'utilisation exclusive du port 706, donc pour, que ce soit en TCP ou en UDP. C'est un port privilégié, donc c'est un protocole qui n'est pas validé, mais dont le numéro de port a été lui validé. Donc c'est un peu, c'est une situation pas banale. Un peu implicite comme validation. C'est un peu implicite comme validation, tout à fait. C'est un truc qui est utilisé par beaucoup de communautés, mais à caractère vraiment très technique. OpenBSD, un réseau Silk. Je crois d'autres BSD ont aussi un réseau Silk. C'est utilisé aussi pas mal du côté dans les cercles un peu militants et les gens qui sont un peu radicaux sur leur avis quant à la protection de la vie privée et la confidentialité des discussions. Donc voilà. Alors sur le principe, c'est quoi? Si on présente un petit peu le protocole, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui ressemble vraiment à IRC, sauf que il a 3 parties principales en fait, au niveau vraiment purement protocolaire. Alors premièrement, le protocole d'échange de clés, donc SKE pour Silk Key Exchange, le protocole d'authentification Silk ou Silk Authentication Protocol, et le protocole de paquet Silk, donc Silk Packet Protocol. Donc en gros, il y a également les commandes Silk qui sont définies protocolairement, qui sont utilisées pour gérer la session Silk. L'idée en fait, c'est exactement comme sur IRC, c'est-à-dire que vous avez des serveurs reliés entre eux. Les clients sont connectés à un serveur, donc quand voilà, une personne qui souhaite discuter avec une autre personne, ben, chacune de ces deux personnes se connecte à un serveur Silk. On discute sur un réseau Silk. Il y a l'utilisation de canaux, donc en fait des salons de discussion qu'on appelle canaux, exactement comme dans la terminologie IRC. Chacun de ces canaux dispose d'un topic, de différentes choses. La grosse différence avec IRC, c'est que tout ça est chiffré. C'est chiffré de deux façons. Premièrement, au niveau transport, c'est le protocole de paquet Silk en fait. Hein, donc il y a une protection au niveau transport, c'est-à-dire équivalent à SSL TLS. Et il y a également une protection au niveau de chaque message qui est envoyé. Chaque message est chiffré, en plus de la session. Donc ça offre une double protection qui est intéressante. On a chaque utilisateur, chaque membre du réseau, que ce soit un serveur, que ce soit un routeur, que ce soit un client ou une cliente, chacun dispose d'une paire de clés publique-privée qui permet en fait d'identifier de manière sûre une personne en particulier. Ce qui permet également de signer chacun de ces messages, que ce soit des messages privés ou des messages de canaux, des messages publics. Et dans ce cas-là, la possibilité à tout le monde de vérifier que telle personne qui prétend être telle personne est bien celle qu'il prétend être, celle qu'il ou elle prétend être. Du coup, on peut être certain des personnes avec qui on discute, on peut être certain de l'authenticité des messages, et on peut également s'assurer que le trafic n'est pas perturbé. Donc ça c'est possible parce que il y a des techniques de cryptographie forte qui se basent sur des protocoles sur des algorithmes de cryptographie tels que l'écran classique AES, SHA et RSA pour le système de clés publiques privées. Donc tout ça, c'est normalisé, en fait. Hein. Ça respecte les normes. Enfin, ou, en tout cas, ça prétend respecter les normes, puisque ça n'a pas été vérifié par l'IETF, mais voilà. Et donc, en fait, ben, l'idée, c'est de faire vraiment un truc qui soit sécurisé au niveau de la, au niveau des communications, et de permettre, en fait, aux utilisateurs d'avoir un maximum de garanties sur ce qu'ils font. Notamment la possibilité de refuser de faire confiance à l'opérateur du réseau, enfin à l'opérateur du serveur. En gros, vous avez la possibilité de monter un canal avec sa propre paire de clés publique-privée. Ce qui veut dire que bah là, même si l'administrateur décide d'utiliser une version un petit peu truquée du logiciel de serveur, et ben de toute façon, vous avez votre propre paire de clés publique-privée pour votre canal, et vous vivez en autarcie, en autarcie cryptographique. L'administrateur ne peut strictement rien y faire, à part éventuellement vous coupant l'accès au service, parce que voilà. Mais voilà, donc ça te permet de donner un très très haut niveau de sécurité aux communications. En termes de sécurité, il n'y a pas vraiment eu d'études d'évaluation de la sécurité de Silk. Par contre, en fait, bon, au niveau du logiciel, donc au niveau de l'implémentation, Silk, il y a une implémentation officielle du côté serveur et une implémentation officielle aussi du côté client, et il y a déjà eu des bugs de sécurité type dépassement de tampon, donc buffer overflow ou autre, ce qui est pas ce qui est en général pas un très bon signe, d'autant quand on voit qu'il n'y a pas eu de mise à jour du logiciel depuis plus d'un an maintenant, et que le projet est relativement mal géré. Il n'y a qu'une personne qui commit, et elle n'a pas commité depuis super longtemps, donc voilà, c'est pas la pérennité de la technologie est quand même assez mise en question, sauf que c'est une super techno, en fait. Sur le papier, c'est vraiment excellent, et à l'utilisation, ça donne quand même un feeling assez différent d'IRC en termes de sécurité, parce que vraiment on la voit, quand on voit la vérification automatique de la signature de chacun des messages des participants au réseau, ça donne un autre sentiment que Silk, où on a des trucs un peu chelous, machin, des extensions pas protocolaires comme l'emploi d'SSL, etc., qui ne sont pas protocolaires, des réseaux qui se sont mis à SSL que super récemment, c'était il y a moins d'un an, je crois, que Freenode est passé au SSL. Donc voilà, au niveau de la présentation du protocole, je crois que j'ai à peu près bien fait mon boulot. Il me reste 2 minutes pour... Puis après, il y a encore l'agenda à faire, donc je vais me dépêcher un peu. Au niveau de l'utilisation côté client, on a, je vais recommander 2 clients. Hein, bon, Silk Client, qui est un truc développé par silknet.org, donc vraiment par les développeurs du projet Silk, qui est un truc en mode texte, basé sur IRSSI, le client IRC du futur. Non, c'est vachement bien, vas-y, rigole. IRSSI, c'est vachement bien. Et bon, c'est bien si le client, c'est l'implémentation de référence, en fait, hein, tout bêtement. Mais bon, c'est en mode texte. Et il y a quand même quelques bugs un peu chiants à l'usage. À l'usage sur le long terme, ça fait 3 ans que je l'utilise, il y a quand même des bugs assez chiants dedans, quoi. Ça mériterait, en fait, que des gens décident que, voilà, d'aller mettre un petit coup de pied dans le code, dans la fourmilière du code. Tout est développé en C, hein, à l'intérieur, pour les personnes qui se demandent un peu cette question-là. Et puis il y a également Pidgin qui, via sa bibliothèque libpurple, a inclus la bibliothèque Silk. Du coup, il y a Silk dans Pidgin, mais bon, c'est bien, c'est en mode graphique. Il clique, il y est. C'est simple à utiliser, c'est très très simple à utiliser, mais bon, il y a des bugs. Mais vraiment, il y a des bugs dans Pidgin. Pidgin, c'est pas vraiment un projet super stable. C'est joli, ça fonctionne sous Windows aussi, pas que sous des trucs d'intégristes du logiciel libre. Mais ça marche aussi sous Windows, donc bon, voilà. Côté serveur, bon, y a une implémentation qui est Silk Server. Qui est très très simple à mettre en place, vraiment c'est super facile, en fait. C'est pas super stable, on sent que dès qu'on a une config un peu compliquée où on relie plusieurs serveurs entre eux pour essayer d'avoir un petit peu de stabilité, etc., c'est un peu casse-gueule parfois, le réseau qui ne se reconstruit pas une fois que les machines ont redémarré, etc. Bon, ça, c'est des problèmes qui arrivent, mais bon, voilà. Et puis, il n'y a pas non plus de notion de service comme sur IRC, ce qui veut dire qu'en fait, si le serveur redémarre, vous perdez tous vos canaux, vous perdez tous les modes des canaux, vous perdez les topics des canaux, vous perdez les opérateurs des canaux, etc. Donc c'est un peu chiant. Ça oblige en fait à avoir plusieurs, serveurs. Mais comme la liaison entre de serveur à serveur ou de serveur à routeur ou de routeur à routeur marche pas super bien, ben c'est pas super stable. Ça donne pas une super impression au final après 3 ans d'utilisation. Même si bon ben voilà, il y a un gros potentiel. C'est un projet vraiment intéressant, mais voilà. Alors au niveau des réseaux SIL qui existent à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas que, que le réseau officiel, donc silknet.org, donc silk.silknet.org, il n'y a pas que ce réseau officiel-là, il n'y a pas non plus que silk.dg-c.org, il y en a d'autres. Il y a une liste, en fait, qui est donnée sur, sur silknet.org, il y a une liste un peu exhaustive, mais qui n'a pas été mise à jour depuis super longtemps. Vous trouvez des choses, bon, bah, l'IRC, enfin, le silk d'OpenBSD, donc un truc non officiel, mais qui est très très bien fréquenté, c'est chez Comstyle, silk.comstyle.org, il me semble, ou .net. Il y en a d'autres également. Il y a CompSec également, qui est un bon petit réseau sécurisé, donc silk.compsec.org. Et puis bon ben voilà, on peut se retrouver là-dedans. C'est vraiment une techno qui est vraiment intéressante. Et bon, qui se révèle à l'usage un peu frustrante parce que ben voilà, c'est pas super stable, mais c'est pas compliqué. Et la sécurité est là, quoi. Donc c'est pas, c'est juste que voilà, c'est pas super agréable à la longue, mais c'est le seul vraiment côté négatif qu'il y a ce côté-là, en fait. Bon, plus le fait que le projet est un peu mal géré au niveau développement. Je crois que là, t'as vraiment bien vendu le. Le silk. Ouais. Bah, c'est cool. C'est impeccable. Mais nous, la semaine prochaine, on essaiera de faire un truc sur un truc qui marche, en fait. Une messagerie instantanée qui marche. Donc, si vous voulez quelque chose qui marche, venez la semaine prochaine. Quoi, un truc qui marche ? Vas-y, tu vas parler de quoi ? Je sais pas encore, mais on va trouver quelque chose qui marche. Après, ouais. faut voir la définition de qui marche. Mais bon. Voilà. Ouais. Attends, tu as parlé de Jabber, le truc qui marche avec un truc en Erlang, machin. Ouais, par exemple. Bah, ça, ouais, ça marche. Ouais, ça marche, ouais. En Erlang. Un petit peu. En langage Erlang, ça marche. Et là, je vais couper un troll. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. Allez, l'agenda. L'agenda, vite fait. Donc, vendredi 1er octobre, donc vendredi prochain, ce sera le meeting 2600 Lille. Comme d'habitude, rendez-vous 19h30, grande place de Lille devant le Furet du Nord. Ah, bah, j'y serai pas. C'est pas grave. D'accord, c'est cool. C'est bien. Ça, celle-là, tu vas me la payer. T'inquiète pas. La rando-roller. Non mais agenda. Agenda. Honnêtement, agenda. Meeting 2600 Lille, www.2600lille.org pour toutes les infos. Dimanche 3 octobre, donc dimanche prochain, ce sera l'écho des gnous, l'émission qui nous casse le cou. Donc ce sera de 19h à 20h sur Radio Campus Lille, votre radio préférée, 106,6 FM. Dimanche 10 octobre, donc dimanche suivant, donc dans deux semaines, ce sera Random 25. Random, l'émission préférée des auditeurs de l'écho des gnous. Du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2010, ce sera le Plastic Hackerspace Festival 2010, ce sera au Templab à Vitry-sur-Seine. Toutes les infos sur www.tmplab.org et sur IRC, tmplab sur Freenode. Vendredi 5 novembre 2010, ce sera le meeting 2600 Lille du mois de novembre. Et du jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2010, ce sera le Wireless Battle Mesh version 3.3, c'est à Godardville en Belgique, cherchez pas, même Google sait pas où c'est Godardville en Belgique. Sur ce, eh ben on se donne rendez-vous dans deux semaines. On va vous laisser avec Choupa Pimento sur Radio Campus 106.6 FM. Et rendez-vous dans deux semaines pour Random, donc, et dans une semaine pour l'écho des gnous. Et merci aux personnes de l'écho des gnous d'être venues. Et à la semaine prochaine. Bonjour les gars, je m'appelle Matt Martigan. Random, faut arrêter, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors ? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité ? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible, on a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a un gland dans la main ! Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland ? Un dimanche sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6 MHz.